بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، à ce livre, à cette épître de son éminent Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, qui est une réplique à Mohamed Saïd Ramadan Al-Bouthi, sur son livre qu'il avait écrit, La Salafia est une période dans le temps bien précise. يقول الشيخ حفظه الله التعقيب الثالث عشر une somme à la 13e critique concernant ce livre. قال في صفحة 63 فقرة جيم إنه يجب على الباحث عرض حصيلة تلك المعاني أي معاني النصوص الصحيحة التي وقف عليها وتأكد منها على موازين المنطق والعقل لتمحيصها ومعرفة موقف العقل منها انتهى كلام البوطي. Et il dit حفظه الله تعالى que الشيخ رمضان البوطي a cité dans son livre Pas 63 au paragraphe G, qu'il est obligatoire à celui qui fait des recherches, que la recherche qu'il a eue, à laquelle est arrivé, et la signification de cette recherche, c'est-à-dire la signification des textes authentiques qu'il a réunis, il doit les exposer à la logique et à la raison pour les purifier et pour connaître la position de la raison vis-à-vis de ces textes. Ici s'arrête la parole de l'Bouthi. يقول الشيخ الفوزان ونقول هل للعقل موقف وسلطة مع النصوص الصحيحة؟ الشيخ الفوزان de dire est-ce que la raison a une position et un pouvoir avec les textes authentiques؟ يقول حفظه الله أي الشيخ الفوزان هذا لم يقل به إلا المعتزلة ومن وافقهم. Dit ceci n'a été dit que par les معتزلة et ceux qui sont d'accord avec le معتزلة qui ont pris la même voie que le معتزلة. أما أهل السنة فيسلمون لما صح عن الله ورسوله سواء أدركته عقولهم أم لا. Quant aux gens de la sunna, ils se soumettent à ce qui est authentique, qui est arrivé authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager alayhi salam, que leur raison le capte ou le comprenne ou là qu'ils le captent ou pas, ils ne le comprennent pas. ولا سيما في نصوص الأسماء والصفات وقضايا العقيدة. Il dit surtout concernant les noms, les textes concernant les noms et les attributs d'Allah et les sujets concernant les croyances. يقول فإن العقول لا مجال لها في ذلك car les raisons n'ont pas à s'immiscer là-dedans à l'intérieur des textes concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et tout ce qui concerne les croyances. لأنه من أمور الغيب car ce sont des choses qui ont rapport avec l'invisible. يقول الشيخ الفوزان مع العلم أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول لكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول ولا تدرك كنها. Il dit que en sachant que la législation ne ramène pas quelque chose que la raison va dire c'est impossible. Mais la science, la législation ramène quelque chose devant laquelle les raisons sont ébahies. Jamais elle ramène quelque chose de laquelle va dire la raison c'est impossible. Mais il se peut qu'il y ait des choses dans la législation devant laquelle la raison est ébahie. يقول التعقيب الرابع عشر la 14e critique في صفحة 64 المقطع الثالث يستنكر تقسيم المسلمين إلى سلفيين وبدعيين. Et à la page 64 dans le livre de l'Bouthi, la troisième partie, et ne reconnaît pas le fait de diviser les musulmans en salafis et en innovateurs. يقول الشيخ الفوزان, et que ceux qui disent que الشيخ الفوزان ne voient pas le fait de s'appeler salafi, écoutez la réplique. يقول الشيخ الفوزان وهذا رد للنصوص التي أخبرت عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة والتي أخبرت عن حدوث الاختلاف الكثير وحتت على التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين عند ذلك. الشيخ الفوزان دو دير سا سي روجيتي لي تيكست دو لا بار دو البوتي سي روجيتي لي تيكست qui nous annonce la division de la communauté, que cette communauté va se diviser en 73 groupes, tous au feu de l'enfer, sauf une. Et tous ces textes qui annoncent qu'il va y avoir des divergences, beaucoup de divergences, et ces textes qui annoncent qu'il va y avoir beaucoup de divergences, et mon temps, qui oriente et qui incite et qui ordonne à se cramponner à la sunna du messager alayhi salatu salam et à la sunna du khalif bien guidé à ce moment-là. يقول وكتابه كله يدور حول هذه النقطة وهو إنكار لما هو واقع من الانقسام والافتراق في هذه الأمة فهو إنكار للواقع المحسوس. Il dit حفظه الله تعالى tout le livre de l'Bouti tourne autour de ce point là, c'est rejeter la réalité de la division qui existe dans la communauté et rejeter la réalité que voit tout un chacun que vit la communauté. يقول الشيخ الفوزان وكان الأجدر به أن يحث المختلفين والمفترقين إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة بدلا من أن يطمئنهم على ما هم عليه من فرقة ومخالفة وبأنهم على الحق. Il dit alors qu'il était du devoir de l'Bouti d'inciter ceux qui sont en divergence et qui sont dans les divisions de revenir vers le livre d'Allah, vers la sunna, au lieu de les rassurer sur la division, sur les divergences sur lesquelles ils sont, et de leur insinuer qu'ils sont sur la vérité. Yaqul, At-Taqib al-Khamis Ashar, la 15e critique, fi safahat 65 wa 67, يشكك في صحة الاستدلال بالخبر الصحيح الذي لم يبلغ حد التواتر في الاعتقاد. Et à la page 65, à 65, il est en train de faire douter le beauté, de faire douter sur l'authenticité du fait de prendre le hadith authentique comme preuve en ce qui concerne les croyances, quand ce hadith n'arrive pas au degré de tawatur, c'est-à-dire tawatur dans la chaîne de transmission, qui soit rapporté par plusieurs voix et par plusieurs personnes. فيقول أي البوطي هذا القسم لا تتكون من حجة ملزمة في نطاق الاعتقاد بحيث يقع الإنسان في طائلة الكفر إن هو لم يجزم بمضمون خبر صحيح لم يرقى إلى درجة المتواتر. انتهى كلام البوطي. Il continue de dire cette partie là, on peut pas la prendre, il est pas, c'est pas une preuve en ce qui concerne les croyances. Il dit ici celui est de ce fait celui qui ne prend pas comme véridique ce qui est contenu dans ce hadith authentique qui n'est pas arrivé au stade de tawatur ne peut pas tomber dans la mécréance. Et donc et ceci est très dangereux à l'islam. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله ونقول هذا كلام غير سليم ولا سديد فإن خبر الآحاد إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب تصديقه وتسليم له والجزم بمضمونه في العقائد وغيرها وهذا القول الذي ذكره قول مبتدع في الإسلام. الشيخ الفوزان دو ريبليكي دير نو ديزون ça ce n'est pas une parole qui est saine ni une parole qui est dans le mille, c'est une fausse parole car le hadith ahad, c'est-à-dire qui est rapporté même par une seule personne de chaque degré et chaque étape de la chaîne de transmission, s'il est authentique du messager du prophète, il est obligatoire de le prendre comme véridique et de se soumettre et de mettre en application ce qu'il contient et de croire à ce qu'il contient en ce qui concerne les croyances et de le mettre en application en dehors des croyances s'il s'agit de jugement. Et il dit, cette parole qu'a dit le Bouti est une parole innovée dans l'islam. Est une parole innovée دون الإسلام. يقول فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله آحادا ويقبل المرسل إليه خبرهم من غير توقف ولا تشكك في صحة ما جاءوا به. وكذلك الصحابة وأتباعهم كانوا يتقبلون الأحاديث الصحيحة ويحتجون بها ولا يشكون في مضامينها في العقائد وغيرها، ولا يوجد هذا التفريق في كلام السلف، وإنما وجد في كلام بعض الخلف فهو مبتدع. Il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé ces messages, il a envoyé un. Et ceux à qui il a envoyé le messager, il a accepté ce qu'il leur annonçait, sans avoir de doute. Ils sont s'arrêter sur l'authenticité de ce qu'ils ont ramené, de ce qu'ils ont transmis. Ils acceptent. Celui à qui il a envoyé, il accepte. Il en est de même des sahaba et de leurs successeurs. Ils acceptaient les hadiths authentiques. Et il les mettait en application, il les prenait comme preuve. Il ne doutait pas sur le contenu, que ce soit dans l'aqaïd ou dans les lois. Et dans les paroles des pieux prédécesseurs, il n'y a pas cette différence. Et cette différence entre l'ahad et le mutawatir dans leurs paroles. Mais cette différence et cette séparation et cette différence, il est dans la parole de certains khalafs. Et c'est une parole, c'est une position qui est innovée. يقول الشيخ لا 16 كريتيك في صفحة 99 ذكر الدكتور البوطي الأصول والأحكام التي لا مجال للاختلاف فيها، وذكر منها اليقين بأن الله عز وجل واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وهذا الذي ذكره لا يزيد على توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون وجمهور الأمم. فالإقرار واليقين به وحده لا يكفي حتى ينضاف إليه توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وهذا أيضا أصل لا مجال للاختلاف فيه. Et il dit, حفظه الله تعالى, il cite les paroles de Bouti dans la page 99 dans son livre. Il dit les fondements et les lois dans laquelle il n'y a pas la place à la divergence. Et il a cité, le beauté de citer, la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans son essence, dans ses attributs, dans ses actes. Un cheikh al-Fawzan de dire, ce qu'a dit le beauté ici, et ce que cite le beauté ici, ne dépasse pas le monothéisme de la souveraineté, de la seigneurie, Rububiyyah, que même les associateurs ont confirmé, et la majorité des communautés ont confirmé. Donc le fait de confirmer et d'avoir la certitude sur ce monothéisme, ça ne suffit pas si on ne lui rajoute pas le monothéisme de l'adoration, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser tout ce qui s'adore en dehors d'Allah. Il dit ça aussi, c'est un fondement sur lequel il n'y a pas de divergence à avoir, c'est-à-dire le monothéisme de l'adoration. Du Cheikh Al-Fawzan, ça aussi, le monothéisme de l'adoration, il n'y a pas de place à la divergence dedans. يقول وقوله في هذه الصفحة في الفقرة رقم 4 عن صفات الله إنها قديمة قدم ذاته، هذا ليس على إطلاقه، إنما يقال في صفات الذات. أما صفات الأفعال كالاستواء والنزول والخلق والرزق فهي قديمة النوع حادثة الآحاد. وكذا قوله عن كلام الله فهو قديم ليس على إطلاقه، إلا أنه من صفات الأفعال، فهو قديم النوع حادث الآحاد كغيره من صفات الأفعال، وهذا التفصيل معروف عند أهل السنة والجماعة. Il dit, حفظه الله تعالى, et aussi quand le Bouti a dit, dans la même page, au paragraphe 4, concernant les attributs d'Allah, que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont anciennes, ils sont aussi anciens que l'ancienneté de son essence. Ici, l'ancienneté dans la parole, ça veut dire l'ancienneté de l'essence, c'est que il n'a pas été devancé par le néant. Il dit, et cher, il faut oser de lui dire, ça ce n'est pas dans le sens large du terme. On ne peut pas dire que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont aussi anciennes comme l'ancienneté de son essence. Ce n'est pas au sens large du terme. Mais ceci, il est dit tout simplement pour les attributs concernant l'essence d'Allah. Mais quant aux attributs concernant les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'élévation, comme le fait de descendre, comme le fait de créer, comme le fait de donner la subsistance, ceci est ancien quand on prend en considération les attributs. Mais il se renouvelle et quand Allah subhanahu wa ta'ala il le fait quand il le veut. Et il cherche de dire, rahimahullah ta'ala, Cheikh Al-Fawzan, il en est de même de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est ancien, mais pas au sens large du terme. Hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut et à qui il veut. Hein. Car la parole est un des attributs. C'est un acte. Il est ancien, quand on prend dans l'ensemble les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il se renouvelle comme les autres attributs concernant les actes. Et ce détail, il est connu chez les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. At-taqib as-sabi' asar. La 17e critique. قوله في صفحة 99 وكل ما قد وصف الله به ذاته أو أخبر به عنها مما يستلزم ظاهره التجسيد والتشبيه نثبته له كما أثبت ذلك لنفسه وننزهه عن الشبيه والنظير والتميز والتجسد. Il dit pour la 17e critique que le Bouti a dit à la page 99, toutes les inscriptions, les descriptions et les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est donné et qu'il nous a annoncé concernant son essence, s'il y a dedans, dans son apparence, quelque chose qui va insinuer comme quoi il a le corps ou que il ressemble à telle chose ou autre, on confirme comme il a été, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a confirmé lui-même, mais on élève Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est un ressemblant ou un équivalent ou qu'il est un corps. يقول الشيخ الفوزان نقول ليس في صفات الله ما يستلزم ظاهر التجسيد والتشبيه. Et Cheikh Al-Fawzan de répliquer ou dire, il n'y a pas dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose qui implique dans son apparence qu'il faut faire un corps à Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'il faut lui faire un similaire ou un ressemblant, qu'il faut lui faire des ressemblants. يقول وإنما ذلك فهم فهمه بعض الجهال أو الضلال ولا ينسب ذلك إلى النصوص. Il dit, mais ceci, c'est une compréhension qu'ont compris certains ignorants et certains égarés, et ceci, on l'attribue pas au texte. يقول لأن لله صفات تخصه وتليق به لا تشبهها صفات خلقه ولا يدور هذا في ذهن المؤمن الصادق الإيمان وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ينزه عن يكون لازمه باطلا. Il dit, حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان, car Allah subhanahu wa ta'ala, il a des attributs qui lui sont particuliers, qui sient à sa grandeur, et ces attributs ne ressemblent pas, ils n'ont pas de ressemblant dans les attributs de ces créatures. Et ceci ne doit pas, ne tourne pas dans l'esprit d'un croyant véridique. Hein? Et la parole d'Allah et la parole de son messager, alayhi sallam, il est au-dessus que dedans il y a une compréhension fausse. التعقيب الثامن عشر لا 18 كريتيك قوله في صفحة 101 في الفقرة الثامنة إن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة لا تستلزم تحيزا في جهات معينة انتهى. Et à la 18e critique, à la page 101 et au paragraphe 8, le Bouti il dit, la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala par les croyants le jour de la résurrection n'implique pas qu'il faut l'acculer dans un endroit précis. Ça, c'est la parole de l'Bouti. Maintenant, à la réplique de Cheikh Al-Fawzan, habidallah, Cheikh Al-Fawzan, yaqul, wa aqulu, nafiul jihati, anillahi mutlaqan ghayru sahih. Et Cheikh Al-Fawzan de dire, le fait de nier la direction Allah subhanahu wa ta'ala au sens large du terme, ce n'est pas vrai, ce n'est pas authentique. Yaqul fa innahu subhanahu wa ta'ala فإنه سبحانه وتعالى في جهة العلو كما تواترت الأدلة على علوه على خلقه، وإنما ينزه عن جهة غير العلو. هذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الجهمية ومن صار على منهجهم في ذلك وغيره. Il dit, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, de nous éclairer. Il dit, car Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, il est dans la direction de l'élévation. Comme les preuves ont prouvé qu'il est au-dessus de tout, au-dessus de toutes ses créatures. Mais, il est élevé. Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de tout. Et on l'exemple de la direction qui n'est pas l'élévation, de toute direction qui n'est pas l'élévation, Allah subhanahu wa ta'ala est l'exemple de cette direction. Mais la direction de l'élévation, celle-ci est connue, elle est reconnue à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est la voix des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna, contrairement aux jahmites et ceux qui ont pris la même voie que les jahmites et autres. يقول التعقيب التاسع عشر قوله لا ديزنفيام كريتيك قوله في صفحتي 101 و102 إن الشفاعة في حق كثير إن الشفاعة في حق كثير من العصاة والمذنبين ميزة ميز الله بها نبيه عن سائر الرسل انتهى. لا ديزنفيام كريتيك à la page 101 et 102 de son livre Le Beauté, il dit « L'intercession concernant beaucoup d'eux, de ceux qui ont péché et qui sont tombés dans les péchés, ceci est une particularité avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala c'est une particularité que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à son prophète alayhi salatu wasalam, en dehors des autres messagers alayhi salatu wasalam. » Et là s'arrête la parole de Le Beauté. Maintenant à la critique du Cheikh Al-Fawzan. Cheikh Al-Fawzan يقول هذا كلام غير صحيح. Cheikh Al-Fawzan de dire ça, c'est une parole qui n'est pas authentique, qui n'est pas véridique. فإن الشفاعة في عصاة الموحدين ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم بل ليست خاصة بالأنبياء وإنما الخاص به صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى التي هي المقام المحمود فقد صح أن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والأولياء يشفعون. الشيخ الفوزان de dire ceci, c'est une parole qui n'est pas vraie, car l'intercession concernant ceux qui ont péché, qui sont tombés dans le péché parmi le monothéisme, n'est pas particulière à notre prophète alayhi salatu wasalam. Il n'est pas non plus particulière aux autres prophètes. Mais ce qui est particulier à notre prophète alayhi salatu wasalam, c'est l'énorme intercession. Le maqam al-muhmoud, la situation louée pour intercéder pour que Allah subhanahu wa ta'ala fasse les comptes aux gens le jour de la résurrection. Mais il a été rapporté authentiquement que les anges aussi vont intercéder et les prophètes vont intercéder, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala vont intercéder aussi. Et dans le hadith الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده ما منكم من احد باشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. الحديث وفيه فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط إلى آخر الحديث وهو في صحيح مسلم. ها ولا Et Cheikh de nous citer ce hadith rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il fait le serment comme quoi les croyants tiennent à leurs frères croyants qui sont dans le feu et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, sauvera nos frères, il jeûnait avec nous, il priait avec nous, il faisait le pèlerinage avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, sortez ceux que vous connaissez du feu de l'enfer. Et leur image, il est interdite à ce moment-là au feu de l'enfer. Ils vont sortir un grand nombre de créatures d'Allah, le hadith. Et dans ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les anges ont intercédé. Et les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et reste que le clément. Et Allah subhanahu wa ta'ala prend une poignée du feu de l'enfer, il sort un nombre important de personnes qui n'ont jamais fait un acte de bien, jusqu'à la fin du hadith. Et donc, Cheikh ici nous montre comme quoi Cheikh al-Bouti se trompe. Une énorme erreur, que l'intercession n'est pas une particularité tout simplement à notre prophète alayhi salatu wassalam. Wa yaqulu Cheikh al-Fawzan, walakin la budda li shafa'ati min shartayn. Et Cheikh al-Fawzan de nous dire, il est obligatoire pour que l'intercession puisse se faire, il faut deux conditions. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. La première condition c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'ordre à celui qui veut intercéder. Allah subhanahu wa ta'ala il faut qu'il reçoive l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse intercéder. Il est dit dans le verset qui peut intercéder chez Allah sans son ordre. والشرط الثاني رضا الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد. Et la deuxième condition c'est que Allah subhanahu wa ta'ala agrée celui pour lequel on veut faire l'intercession. Il faut qu'il soit parmi les gens du monothéisme. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. Il est dit dans le verset, il n'intercède que pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. فَالْكُفَّارْ لَا تَنْفَعُهُمُ الشَّفَعَ. Les mécréants, l'intercession ne leur servira à rien. قَالَ تَعَالَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ. Il est dit dans le verset, à quoi ça va leur servir l'intercession de ceux qui vont intercéder. التَعْقِيبُ الْعِشْرُونَ. قوله في صفحة 104 في المقطع الأخير والإسلام يستتبع آثاره مستقلا ومنفصلا عن الإيمان في الدنيا انتهى كلامه. Et la 20e critique, il a dit dans la page 104 vers le dernier paragraphe, l'islam, on doit suivre ses preuves indépendamment de la foi dans ce bas monde. Bizarre comme parole, hein. يقول الشيخ الفوزان هذا الكلام فيه نظر فإن الإسلام الصحيح لا ينفصل عن الإيمان لا في الدنيا ولا في الآخرة فإن انفصل عنه فليس إسلاما صحيحا وإنما هو نفاق والمنافق لا يسمى مسلما وإنما يسمى منافقا كما سماه الله ورسوله ولا يلزم من معاملة المسلم في الدنيا أنه مسلم حقيقة لا في الدنيا ولا في الآخرة. Et Cheikh Fawzan de dire ça, cette parole, il est à revoir, car l'islam authentique ne se sépare pas de la foi dans ce bas monde et dans le delà. Ici, ils sont séparés, c'est pas un islam authentique, c'est de l'hypocrisie. Et l'hypocrite, on l'appelle pas musulman, on l'appelle hypocrite, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'appelait son messager. Et le fait de se comporter avec lui dans ce bas monde, le comportement qu'on a avec un musulman, celui, ça veut pas dire qu'il est musulman en réalité dans ce bas monde et dans le delà. At-taqib al-hadi wal-ishroun. La 21e critique. Qawluhu fi safha 107. والقول بأن الإنسان يخلق أفعاله نفسه وهو مذهب المعتزلة ليس مكفرا. Il a dit aussi à la page 107, et le fait de dire que l'être humain crée ses actes lui-même, et ça c'est la voie de le mu'tazila, ce n'est pas une mécréance, ça ne rompt pas mécréance. يقول الشيخ الفوزان أقول في نفي تكفيره نظر، لأن من قال ذلك إن كان مع هذا ينكر علم الله كما في قول غلاة القدر فهو كافر، وإن كان لا ينكر لينكر وهو مقلد لغيره فهذا يضلل، وإن كان غير مقلد فقد أنكر أحد أركان الإيمان وهو القدر على علم، فكيف لا يكفر من هذه حاله؟ وأيضا هو قد أثبت لله شريكا في خلقه، وقد قال السلف عن هذا الصنف إنهم مجوس هذه الأمة. Et Cheikh doit répliquer à ce passage qui est très dangereux. Il dit le fait de dire que celui-là, qu'on ne peut pas le rendre mécréant, il y a à voir dans cette phrase. Car celui qui dit cette parole, et en plus de ça, il nie la science d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le font les extrémistes d'Al Qadariya et les mécréants. Et s'il ne nie pas, il ne nie pas le savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est imitateur à quelqu'un d'autre, celui-là il est égaré, et on le rend égaré. Yudallal. Et s'il n'est pas imitateur, il a nié un des piliers de la foi, et ce qui est le destin, avec savoir, il l'a nié, tout en sachant comment celui-là, on ne le rend pas mécréant dans cette situation. Et en plus de ça, il a confirmé Allah subhanahu wa ta'ala un associé dans sa création. Et certains pieux prédécesseurs ont dit de cette catégorie qui sont les zoroastriens de cette communauté majus hadhihi al-umma. يقول الشيخ حفظه الله التعقيب الثاني والعشرون لا 22e critique. ما ذكره في صفحتين 111 و112 112 من أن من أضفى صفات النبوة على علي بن أبي طالب وما يعتقده بعض المريدين في أشخاخهم من العصمة وما قاله الإمام الخميني من أن لأئمة ما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن هذه الأمور تعتبر شذوذات لا تستوجب كفر أصحابها وخروجهم من الملة، وكرر ذلك أيضا في أول صفحة 110 وقال في هامش صفحة 112 تعليق رقم 1 سألت بعض الإخوة علماء الشيعة الإيرانيين إلى آخره. Il dit, c'est de nous citer cette catastrophe que Cheikh Al-Bouti, dans son livre, à la page 111-112, il dit, celui qui donne l'attribut de la prophétie à Ali, radiyallahu anhu arda, est-ce que croient certains disciples, soufis, comme quoi leurs chouyours sont exemple de l'erreur? Et ce qu'a dit l'imam Al-Khumayni, que leurs imams, c'est-à-dire l'imam d'Al-Shi'a, les imams d'Al-Shi'a, sont arrivés à une place où n'est pas arrivé un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Il a dit toutes ces paroles-là et toutes ces choses, ce sont des marginalités qui n'appliquent pas que ceux qui l'ont dit, ce sont des mécréants qui ne sont plus musulmans. Et il a répété ceci aussi au début de la page 110. Et il a dit, donc, à la marge de la page 112, comme commentaire, premier commentaire, j'ai demandé à certains frères, savons des chiens adhérents, etc. Et là, la critique du Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, نقول إن عدم تكفير من يقول هذه المقولات واعتباره أخا خطأ واضح لأنها من أسباب الردة الواضحة فكيف لا يكفرون بذلك. Et Cheikh Al-Fawzan de dire, le fait de ne pas rendre mécréant ceux qui disent ce genre de paroles et de le considérer comme frère, c'est une erreur claire, car ceux-ci se sont des causes de l'apostasie qui sont claires. Comment ne pas les rendre mécréants ? يقول وقد فضلوا أئمتهم على الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين. Alors qu'ils ont mis un degré plus élevé leurs imams par rapport aux anges rapprochés, par rapport aux prophètes et aux messagers. وادعوا لهم العصمة واعطوهم حق التشريع كما هو موجود في كتبهم ومقولاتهم. Il dit, ils ont prétendu que leurs imams sont épargnés de l'erreur, ils leur ont donné le droit de légiférer, comme il est écrit dans leurs livres et dans leurs paroles. يقول وهذا من أعظم أنواع الردة. Et ça, c'est la plus grande des apostasies, la plus grande forme de l'apostasie. يقول فلا يجوز للمؤمن أن يحبهم ويقولون ويقول إنهم إخوانه. Il dit n'est pas permis aux croyants de les aimer et de dire qu'ils sont ses frères. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. Et il est dit dans le verset, ô vous qui avez cru, ne prenez pas mon ennemi et votre ennemi comme allié, et vous les aimez, vous êtes en leur compagnie, alors qu'ils ont mécru en la vérité qui vous a été ramenée. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Il est dit dans l'autre verset, tu trouveras pas des gens qui croient en Allah ou le delà, salis d'amitié et d'amour et d'aimer des gens qui sont en divergence avec Allah et son messager, même s'ils sont leurs parents, leurs enfants, leurs frères ou leurs tribus, ou ceux de leur tribu et de leur race. التعقيب الثالث والعشرون. La 23e critique. قوله في صفحة 114 ويقابل التعطيل التجزيم أو التشبيه وهو أن تترك هذه الآيات أي آيات الصفات على ظاهرها ويفهم منها المألوف في حياة المخلوقين والمحدثين فيفهم من اليد الجارحة التي خلقها الله فينا ويفهم من الاستواء معناه المتمثل في جلوس أحدنا على كرسيه أو سريره ويفهم من المجيء الحركة التي تتخطى حيزا إلى غيره وهكذا. Et la 23e critique concerne sa parole à la page 114 où le Bouti il dit: fais face au fait de dépouiller les attributs de leur sens, leur fait face le fait de donner un corps et de donner un ressemblant à Allah. Il dit, et c'est le fait de laisser ces versets concernant les attributs dans leur apparence comme ça. Et on comprend ce qu'on connaît dans la vie des créatures. Et on comprend de la main le membre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé en nous. Et on comprend de l'istiwa, l'élévation, sa signification qui est le fait que quelqu'un parmi nous s'assoit sur sa chaise ou sur son matelas, et on comprend de la magie de la venue, le mouvement duquel on va passer d'une place, d'un endroit à un autre endroit, et ainsi de suite. Intaha kalamu. Yaqul al-Sheikh al-Fawzan pour répliquer. Wal-jawab an dalika an-naqul. Et la réplique à tout ça, c'est que nous disons لا بد من ترك الآيات على ظاهرها فإنه حق مراد لله سبحانه وكون بعض الناس يفهم منها فهما سيئا آفته من فهمه الخاطئ وليس ما فهمه هو ظاهر الآيات وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. Et la réponse de Cheikh Fawzan, il l'a fait par deux points. Le premier point, dit il est obligatoire de laisser les versets dans leur sens tel que dans leur apparence. Il dit c'est la vérité que veut Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si certaines personnes comprennent une mauvaise compréhension, la mauvaise compréhension elle vient de c'est dans la personne, c'est sa compréhension qui est mauvaise. Et ce qu'il a compris, ce n'est pas l'apparence du texte. Il dit, combien de personnes dénigrent une parole authentique et son défaut, il est en quoi? Il est dans sa mauvaise compréhension. Yaqul taniyan, al-ayat tadullu ala sifatin haqiqiyatin lillah, falahu yadun haqiqiyya, taliqu bihi, wala tushbihu yad al-makhluq. ولا تشبه يد المخلوق والاستواء له معنى حقيقي فسره به السلف وإمة السنة واللغة وهو العلو والارتفاع والاستقرار والصعود وكل هذه المعاني على ما يليق بالله لا كعلو المخلوق وارتفاعه واستقراره وصعوده تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Il dit, حفظه الله تعالى, deuxième point pour la critique, les versets qui confirment les attributs de Allah سبحانه وتعالى, ce sont des versets qui comprennent des réalités des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il a les mains qui correspondent à sa majesté. Et ses mains n'ont pas de ressemblance avec les mains de ses créatures. Et l'élévation, il a sa réalité. Salaf lui ont donné sa signification. Et les imams de la sunna ainsi que de la langue arabe, c'est le fait d'être élevé au-dessous, d'être en haut, d'être en stabilité, de monter. Et toutes ces significations sont comme il s'y est à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas comme l'élévation de ses créatures, ni comme leur stabilité, non contre leur faire de monter. Non, tout ça, comme il sied à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas comme ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de tout ça. Hein? Au-dessus de tout ça. La majesté est à Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqul wa kadhalika al-maji. هو مجيء حقيقي على معناه في اللغة العربية وكذلك الإتيان كما جاء في الآيات الأخرى ولا يلزم منه مشابهة مجيء المخلوق وإتيانه والجارحة والحيز ألفاظ مجملة لم يرد نفيها ولا إثباتها في حق الله سبحانه وتعالى. Il dit au même temps, le magie, le fait de venir, c'est une venue qui est réelle, sa signification est réelle dans la langue arabe. Le Itian aussi, le fait de venir aussi, dans les autres versets. Et cela n'implique pas qu'il y ait de ressemblance avec le magie des créatures. Il y tient des créatures. Il en est de même de le jarih à les membres et l'endroit. Ce sont des termes généraux et il n'a pas été rapporté des, hein? Il n'a pas été, on ne doit pas les confirmer, les nier en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Les membres et l'endroit. Le jarih ou le hayz, ce sont des expressions qui sont générales. Il ne nous a pas été rapporté la négation ni la confirmation en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. At-ta'qib al-rabi' wal-ishroun. Fi safhatayn 118 wa 119, atna ala ba'd al-mutasawwifa wa ba'd mu'allafatihim kal-qushayri wa hadha at-tana' fi ghayri mahalli li'an at-tasawwuf asluhu mubtada'un fi al-islam ودخيل عليه وقد تطور إلى أفكار إلحادية وما زال العلماء المحققون يحذرون منه ومن أصحابه وبالخصوص القشيري فإن لشيخ الإسلام ابن تيمية رد مفصل على رسالته وما فيها من مخالفات وشطحات وفي الثناء عليه وعلى أمثاله تغرير بمن لا يعرف حقيقتهم. Et la 24e critique à la page 118-119, hein, Al-Bouti fait l'éloge à certains soufis et à certains de leurs livres comme le Qshayri. Il dit cet éloge, Cheikh Al-Fawzan, il dit cet éloge n'est pas à sa place, car le soufisme, son origine, c'est quelque chose d'innové dans l'islam et c'est quelque chose d'étranger à l'islam, et ces idées sont devenues des idées de athées, et les savants authentificateurs ne cessent d'avertir contre le soufisme et contre les gens du soufisme, et en particulier le Qushayri. Cheikh l'Islam, le Taymiyyah rahmatullah alayh, lui a fait une réplique détaillée, hein, sur ce qu'il a écrit et les divergences qu'il y a dedans. Et donc, et Cheikh Al-Fawzan de dire, le fait de faire les éloges à celui-là et ceux qui sont similaires à celui-là, c'est d'induire en erreur ceux qui ne connaissent pas la réalité de ces gens-là. Et pour la risala de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, pour aujourd'hui je m'arrête là. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum, jazakumullahu khair.